pitié de moi dans ta bonté. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et ma langue célébrera ta miséricorde. De Dieu. Gardons mélodie pour Seigneur. Bon Dieu content. Pitié de moi, ton regard, je t'implore de tout mon cœur. Je cherche en toi mon refuge. Ne me rejette pas, moi, pardon, Seigneur.